Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota. Retraite de méditation Vipassana 2018. Centre d'Amarancy. Aujourd'hui, il sera question des cinq qualités dont doit disposer le yogi s'il souhaite développer les connaissances vipassana, la sagesse. La première de ces qualités, c'est saddha, la foi ou confiance. Cette saddha, cette confiance est qualifiée d'intelligente. Il faudra avoir foi, confiance dans le fait que le Bouddha a réellement vécu, que c'est une personne historique qui a pratiqué et qui a réalisé la sagesse qui était son but. C'est donc la foi dans le Bouddha en tant que personne historique qui a véritablement vécu. C'est également la foi, la confiance dans le fait que cette personne a pratiqué et réalisé son but qui était la sagesse. Tout au long de ses innombrables vies antérieures, le Bouddha a travaillé dans cette intention, parfaire ses perfections. Tout au long de ses existences, il a travaillé pour mener ses perfections à leur accomplissement. Il a également pratiqué et dans sa dernière existence, en tant que Siddhartha Gautama, il a atteint son but. Tout au long de ses nombreuses existences antérieures, il a donc pratiqué tout seul, sans l'aide d'aucun autre Bouddha. Et au cours de sa dernière existence, il a atteint l'état de bouddhéité. Étant devenu un Bouddha, il s'est mis alors à enseigner ce qu'il avait lui-même réalisé. Le Bouddha n'a donc pas enseigné des choses théoriques, il a enseigné ce qu'il avait lui-même expérimenté. On peut donc dire que le Bouddha était un médecin par excellence, qui a découvert un remède. Il a commencé par tester ce médicament sur lui-même et ayant vu que ça fonctionnait, que ce médicament lui avait permis de se guérir de ses malaises, il l'a proposé aux autres êtres humains. Il a donc commencé par tester la valeur de ce médicament sur lui-même. Il n'a pas prescrit un médicament mis au point par quelqu'un d'autre. Une des significations du mot Bouddha, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui a commencé par tester lui-même la valeur de son remède, de sa méthode, et qui ensuite seulement l'a enseigné aux autres. La foi ou saddha se limite parfois à une adoration aveugle de la personne du Bouddha, à une dévotion qui ne s'enracine pas dans la compréhension réelle. Mais ici, vous pratiquez la méditation, vous prenez ce remède que propose le Bouddha et vous réalisez par vous-même. Il s'agit donc alors d'une foi vérifiée par l'expérience. Vous avez donc confiance dans le fait qu'en suivant l'enseignement du Bouddha, en le mettant en application, on peut réussir à se libérer des kilesas, des impuretés mentales. Et il est possible de se débarrasser des kilesas de façon totale et définitive. Le Bouddha nous garantit qu'il s'agit là de la seule et unique méthode pour y arriver. C'est le seul remède qui peut nous mener à la libération. Ce n'est qu'en procédant ainsi que nous allons pouvoir y arriver. Chaque jour, nous répétons le Satipatthana Sutta, et plus spécifiquement le résumé du Satipatthana Sutta, tel que l'a enseigné le Bouddha. Ceci est le seul chemin pour la purification de l'esprit, pour la victoire sur le chagrin et les lamentations, etc. Plus cette première faculté, la foi, est forte, plus le méditant fera des efforts au cours de sa pratique de vipassana. Si la foi n'est pas forte, l'effort ne le sera pas non plus, et en conséquence, le méditant ne progressera pas. La deuxième qualité, si on veut progresser dans la sagesse, c'est la santé. Le méditant doit être en bonne santé. Personne ne peut jamais affirmer qu'il est en parfaite santé. Si quelqu'un affirme qu'il est en parfaite santé, il se trompe, car il ne voit pas les choses avec sagesse. Il ne comprend pas en profondeur. Tant que l'on aura un corps, on souffrira. Le corps amène toujours la souffrance. Il ne faudrait donc pas que le méditant se dise qu'il va commencer à méditer dès qu'il sera en parfaite santé, car alors il ne commencera jamais. Il ne faut donc pas attendre d'être en parfaite santé pour commencer. Il est possible de progresser sensiblement dans la méditation vipassana, même si on n'a pas la santé parfaite. Le Bouddha a parlé d'une bonne santé relative. Une bonne santé relative, c'est le fait de digérer facilement. Si donc vous digérez facilement la nourriture que vous mangez, votre santé est suffisante pour pouvoir commencer la pratique de vipassana, même si elle n'est pas parfaite. Si vous digérez correctement et facilement la nourriture, vous disposerez de l'énergie nécessaire pour pratiquer, que ce soit en posture assise ou en marche. Les professionnels de la santé et de l'alimentation seront sans doute tous d'accord avec cette déclaration du Bouddha. La troisième qualité pour pouvoir développer la compréhension et la sagesse au cours de votre pratique, c'est la sincérité. Un méditant qui souhaite progresser dans sa pratique et développer la sagesse devrait se montrer très honnête, sincère. Il ne devrait jamais parler que de choses qui se sont réellement produites ou qu'il a réellement expérimentées. Et ceci est tout particulièrement vrai au moment de l'interview. Le méditant, lorsqu'il fait son rapport, devrait toujours se montrer très honnête, très sincère. Il ne devrait jamais parler que de choses qu'il a réellement expérimentées. Ceci est très important. Essayez donc d'être très sincère au moment de l'entretien et de ne pas dire des choses que vous n'avez pas réellement expérimentées, de ne pas dire la vérité. On peut comparer cela à quelqu'un qui se sentirait malade et qui irait consulter un médecin. S'il ne dit pas au médecin en quoi consiste réellement son malaise, qu'il s'invente des choses qui ne sont pas vraies ou qu'il cache la vérité, le médecin va lui prescrire un remède qui ne correspond pas à sa maladie et ce patient ne pourra pas guérir. Essayez donc de vous montrer très honnête au moment de l'interview. Ne cachez pas certaines choses que vous ne souhaitez pas expliquer au professeur, mais n'embellissez pas non plus vos expériences. Avez-vous pu noter les mouvements de l'abdomen? Avez-vous pu suivre le mouvement de soulèvement du début à la fin? Avez-vous pu suivre le mouvement d'abaissement du début à la fin? C'est très simple. Vous dites si oui ou non, vous avez réussi à méditer ainsi. Si vous présentez vos expériences de cette façon, avec beaucoup d'honnêteté, le professeur pourra se faire une idée exacte de votre pratique et vous corriger si nécessaire. Il pourra vous aider. Le quatrième facteur, la quatrième qualité dont doit disposer le yogi, c'est l'effort. Si vous fournissez l'effort juste, que vous travaillez avec attention et effort, à chaque moment d'attention, vous rendrez impossible l'apparition des impuretés mentales. Plus l'effort se renforce, moins les impuretés pénètrent dans l'esprit. Mais dès que vous relâchez votre effort, les impuretés sont toujours susceptibles de se manifester. La clé, c'est donc de maintenir l'effort sans interruption. Le professeur insiste toujours pour que le yogi maintienne son attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Tant qu'il fera l'effort d'observer ces deux mouvements, c'est l'effort juste, les kilesas ou impuretés mentales ne pourront pas pénétrer dans son esprit. Mais dès qu'il relâche son effort, qu'il est moins attentif aux mouvements de l'abdomen, les pensées vont apparaître. Et c'est la même chose pour les douleurs. Si vous observez une douleur, par exemple, tant que vous êtes concentré sur cette douleur, les pensées ne vont pas apparaître dans votre esprit. Mais dès que vous relâchez votre effort, que vous ne notez plus la douleur, les pensées vont apparaître dans votre esprit, comme par exemple le désir de changer de posture. Vous n'observez plus la douleur et votre concentration baisse de niveau. Par contre, le méditant qui se montre courageux, qui observe sans interruption la douleur malgré l'inconfort, va développer une très forte concentration. Et de plus, les pensées ne pénétreront pas dans son esprit. Il observe sans interruption. Si votre effort est faible, vous n'arriverez pas au bout de la séance de méditation assise sans bouger. Pendant la marche également, vous ne ferez pas la session entière. Vous allez probablement vous sentir fatigué et décider d'aller vous reposer un instant en prenant une tasse de thé. Votre méditation régresse. Par contre, quelqu'un qui se montre courageux, qui maintient son attention, qui va jusqu'au bout de la séance, qui pratique la marche pendant l'heure tout entière, peut être qualifié de héros. Le méditant qui est ainsi capable de pratiquer avec effort, non seulement en posture assise, mais également pendant la marche et dans les activités quotidiennes, peut certainement être appelé un héros. Un yogi héroïque a toujours l'esprit en éveil, il est vigilant, il est alerte et plein d'énergie. À l'inverse, une personne qui ne se montre pas courageuse, qui n'est pas cette personne héroïque, ne sera pas alerte, ne sera pas vigilante de façon continue, n'atteindra pas la fin de la séance, est paresseuse, alors que la première, celui qui fournit l'effort, est héroïque. Sayadaw vous demande de voir par vous-même dans quelle catégorie vous vous situez. Êtes-vous un héros ou un zéro, dit-il. Vous allez alors probablement décider que cette méditation n'est pas pour vous, ne s'adresse pas à vous, et vous allez abandonner la pratique. Si donc vous constatez que vous n'avez pas réussi à obtenir les résultats que vous espériez, dites-vous que la cause est très simple, vous n'avez pas fourni assez d'efforts. Si vous voulez obtenir des résultats, réussir dans votre pratique, vous devez tout simplement fournir l'effort juste. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si vous voulez obtenir des résultats, quel que soit le travail que vous entreprenez, il faudra que vous fournissiez un effort. C'est la même chose ici. Si vous voulez obtenir la sagesse, vous devez fournir l'effort juste. Mahasi Sayadaw avait coutume de dire qu'un yogi n'a besoin que de 4 heures de sommeil, c'est suffisant. Les yogis qui sont plus âgés ou faibles peuvent aller jusqu'à 6 heures. C'est suffisant également. Mais tant qu'il sera éveillé, il doit fournir l'effort. Sayadaw constate cependant que vous tous qui êtes ici, vous semblez tous très jeunes. Il faut savoir également que celui qui pratique la méditation va donner l'impression de rajeunir. Il se sentira plus jeune et il paraîtra plus jeune. Et il ajoute que si vous êtes tous d'accord, demain on pourrait commencer la journée à 3 heures plutôt qu'à 4 heures. C'est ce qui se fait d'habitude dans les centres en Birmanie. Nous en arrivons maintenant à la cinquième qualité, l'intelligence. Dans ce contexte, l'intelligence, c'est tout simplement un niveau d'intelligence normal. Sayadaw explique que certaines personnes naissent avec une déficience au niveau de l'esprit. C'est de ce genre de déficience qu'il s'agit ici, mais si vous n'êtes pas dans cette situation, vous avez une intelligence dite normale. Cette intelligence dite normale doit être présente dans les cellules de l'embryon. Cet enfant va naître et il doit pouvoir assimiler normalement le langage de sa mère. Il doit passer par tous les stades successifs de développement. On peut dire alors que cette personne dispose d'une intelligence normale. Une telle personne va pouvoir atteindre le stade appelé les apparitions et disparitions, qui est un stade basique dans la pratique de la méditation vipassana. Ce stade des apparitions et disparitions peut être atteint dans le cadre d'une retraite comme celle-ci en 8 jours ou en 2 semaines. Si vous disposez de cette intelligence normale, ce n'est pas tellement difficile d'y arriver, mais vous devrez fournir l'effort juste. Vous devrez également disposer des 5 qualités dont il vient d'être question. Vous allez alors pouvoir atteindre ce stade. Sayadaw a confiance. Il pense que vous pouvez tous atteindre ce stade et progresser sensiblement dans votre méditation vipassana. Si vous estimez ne pas avoir atteint le stade que vous espériez au cours de cette retraite de méditation, la cause est très simple, vous n'avez pas fourni l'effort juste. Et si vous n'avez pas atteint le stade que vous espériez, vous pouvez certainement poursuivre votre méditation pendant 1 mois, 2 mois, vous pouvez aller ainsi jusqu'à 8 mois. Vous atteindrez certainement le résultat que vous espérez. C'est de cette façon qu'on procédait dans le temps et actuellement encore en Birmanie. Le méditant ne quitte le centre que lorsque son but a été atteint. Si vous fournissez l'effort juste, il est certain que vous allez progresser. Pour résumer l'enseignement, il y a donc 5 facteurs ou 5 qualités qui vont permettre aux méditants de réaliser la sagesse. La première de ces qualités, c'est Saddha, la confiance. La deuxième, c'est la santé. La troisième, c'est la sincérité. La quatrième, c'est l'effort. Et la cinquième, c'est l'intelligence. Puissiez-vous tous fournir l'effort qui est nécessaire et réaliser votre but au cours de cette retraite de méditation.